de rêve me dit ça. Notre vision n'est pas brève, alors qu'est-ce ça dans nos vieillards, comme un coup de tristesse à qui on ouvre nos bras. Mais on tend le doigt aux actes du chitan, alors écoute ça. On voit les larmes de la tristesse, ici chaque âme vient de la tête. Plus on sera, plus on progresse. On arrive qu'être ça, dans nos vieillards, trop de frites, frites, ça et frites. Mais la coco, même pas un rêve, tu me kiffes, ça prend la main. Et quand je serre les mains, les yeux rivés, c'est que je pense au pire. Et quand je pense à demain, un espoir, tout arrive si vite. La vie n'est que la préparation de la mort. On est conditionné, des plus jeunes âgés, trop près de nous larger. Le gitan les tire comme des pantins. J'ai mis un coup de chasse dans les cordes, j'ai plus d'une corde à mon arc. Et maître de mon destin, et quand je débarque, pose un son, c'est que je suis donné. Au-dessus de moi, une putain de fumée, le RRAP. Rêve de rêve, Mélissa, notre vision n'est pas brève. Alors qu'est-ce ça dans nos vieillards, comme un coup de tristesse à qui on ouvre nos bras, montant le doigt aux actes du gitan, alors écoute ça. On voit les larmes de la tristesse, ici chaque arme vient de la tête. Plus on se rame, plus on progresse. Mon espoir s'endurcit, mes peines s'enrichissent. J'avance, mais je vois pas cette lumière. Je vois que le temps qui coule comme une rivière. Même si j'assume mes arrières, je sais que dans ce monde il y aura toujours autant de galères. Je pense à mes frères qui vivent dans la misère. Quand les keufs nous embarquent dans leur putain de commissariat. Au placard t'as choix de prendre les cellules. Un, deux, quatre étoiles, tu peux prendre un test. Et oui, la cité tu peux pas unir avec du blé. Sans prendre le risque de se faire raqueter. Notre vision n'est pas brève, alors qu'est-ce ça dans nos vieillards, comme un goût de tristesse à qui on ouvre nos bras. Mais on tend le doigt aux actes du gitan, alors écoute ça. On voit les larmes de la tristesse, ici